J'fais des tours parce que j'étouffe. Pourquoi tu veux que j'te jalouse, poto, si j'ai tout? J'mets la garde, ouais, et j'rends les coups. S'ils parlent mal, bâtard, c'est vous. Scambi les gens, scambi que les histoires, c'est vous. C'est vous. Je connais moi. Des fois je cogite pendant des mois.